À 12h30, ici Dominique Lelièvre et un point sur les informations. La Cour suprême donne raison à Gabriel Nadeau-Dubois dans la cause qui l'oppose à Jean-François Moras. Le jugement a été adopté par 6-3, mais mettant fin de cette manière à une saga qui dure depuis plus de 4 ans maintenant. Le plus haut tribunal du pays a conclu que l'ancien leader étudiant, n'a pas commis d'outrage au tribunal lors d'une déclaration à la télévision en 2012. L'ancien leader étudiant avait déclaré à RDI qu'il était légitime de tenir des lignes de piquetage dans les universités. Jean-François Moras, alors étudiant, y avait vu une incitation à ne pas respecter l'injonction qu'il avait obtenue pour assister à ses cours. La Cour suprême a cependant estimé que cette ordonnance n'interdisait pas les lignes de piquetage qui sont considérées comme une forme légale de liberté de réunion. Scène politique, le député Jerry Sklavounos est en arrêt de travail pour des raisons de santé, et ce pour une période indéterminée. Devant les allégations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui, le député libéral affirme être grandement affecté par la situation et a obtenu un congé de maladie de son médecin de famille. Dans une lettre remise à ses collègues de l'Assemblée nationale, il réitère son innocence et parle de son dévouement pour ses électeurs et les institutions démocratiques. Jerry Sklavounos ajoute qu'il préfère ne pas commenter les accusations comme telles pour éviter de nuire à l'enquête. Contre toute attente, le traité de libre-échange Canada-Europe pourrait finalement être ratifié. Le premier ministre belge Charles Michel a annoncé qu'une entente avait été trouvée entre les différents paliers de gouvernement en Belgique, pavant ainsi la voie à une ratification. L'aval de tous les pays de l'Union européenne sont en effet nécessaires. C'est un dénouement auquel plus personne ne semblait croire. Même le premier ministre canadien Justin Trudeau avait annulé sa visite à Bruxelles pour le sommet qui devait ratifier aujourd'hui l'accord qui était bloqué par la Wallonie, une région belge qui s'opposait au mécanisme de règlement des litiges commerciaux jugé trop avantageux pour les multinationales. Enfin, une nouvelle boutique de cannabis médicinal vient d'ouvrir ses portes dans le quartier Saint-Sauveur, situé sur la rue Saint-Vallier-Ouest. La clinique La Croix-Verte a pour particularité d'employer des infirmières qui prennent en charge des patients. La propriétaire refuse d'être comparé au roi du pot dont le commerce Weed Québec a été fermé en août dernier. La Croix-Verte opère un autre commerce à Montréal depuis 2 ans et affirme ne jamais avoir été inquiétée par les policiers.